sais que t'as pas voulu ça, mais l'enfer ne fait pas cadeau. Oh Evelyne, tous ces drames, ces histoires à la con, qui te font supporter en plus des donneurs de leçons. Mais on n'est pas responsable des mauvais choix que les autres font. On fait tous des erreurs, tu sais, mais t'as fait de ton mieux. On n'a pas le droit de te montrer du doigt, ton seul juge c'est Dieu. Oh Evelyne, le passé est écrit, scellé, mais pour demain et maintenant, dans ta poche tu as les clés. Se faire du bonheur juste pour nous. Fais tous des erreurs, tu sais, mais t'as fait le ton mieux. On n'a pas le droit de te montrer du doigt, ton seul juge c'est Dieu. Le juge, c'est Dieu.